Et maintenant un peu de poésie dans ce monde de but. Liste d'onomatopées. Onomatopées. Avec buzz. Admiration waouh. Acclamation hurra. Hurra. Alarme iiii. Agnon. Appel au. Elle est au. Éon. Applaudissement clap clap clap. Ballon qui éclate, bang. Bébé avoireux, coin. Avoireux, coin. Bisous, smack. Bois, glou, glou, glou, glou. Bon, mèche, PCHHHH. Boubé, beurre, belle. Branche qui se casse, craque. Brouhaha, brouhaha, beaucoup de bruit. Brossé, brush. Bulle qui éclate, pof. Canard coin coin. Chanter la la la la. Chariaou, ron ron, KRRR, la plat, malo. Ron ron, KRRR, la plat, malo. Chatouille gimme gimme. Cheval tagada, i. Chien rue, alouaou, waf, wouaf, wouaf, woula, waf, wouaf. Choc, crash, bang, doyen, crack. Bang, doyen, crack. Dink, plomb. Bing, ch'tonk, paf. Bing, ch'tonk, paf. Chouette ou, hu. Chute, plof, pouf, bruit, sourd, paf, bang. Badaboum, sur le sol, pouf, objet qui tombe dans l'eau, bing. Sur du métal. Clapotement de l'eau, flip, flap, flip, flap. Clac, baf. Paf, spaf, spank, splaf, paf. Claquement, clac, clac. Une porte, par exemple, calpé, clac. Clic, tic, clic, clic, clic. Cloche, ding, dong, dong, église, dindin, cloche au lointain. Cochon, croix, croix, gruit, gruit, gruit, gruit, gruit. Cœur qui bat boum boum, bat boum bat boum. Colère à la la la. Cop cocorico. Corbeau croix. Coupine, coup porté, bouche, celui qui reçoit le coup. Coup de feu bang, bang, bang, bam. Coup de poing ping, ping, pif, au nez. Coupé schlac. Courant et les étrines. une porte, plus violent, bom bom, pan pan, badadan. Bom bom, pan pan, badadan. Friture FSSHH. Froid, avoir froid, gla gla, à gla gla. À gla gla. Froissement froufrou, frouch. Fuite de gaz BCHHHH. Pêcheux, TSHHH. Gom gom. Grattement scratch scratch, gratte gratte, gratte gratte, scratch, screech. Gratte gratte, gratte gratte, scratch, screech. Grenouille quoi quoi, quoi, croa croa. Grésillement électrique z z z z z. Grassement crieux, porte ou roue par exemple. Grognement GRRR, gros RRR, gru. Guillotine choc. Hélicoptère flap flap. Hésitation U. Ibougou. Rocaïque hip. Horloge tic tac. Hurlement de douleur Roma, Roma, Roma, Roma. Jet de liquide splat. Klaxon tubu. Vion, rugissement, grain. Louis. Machine industrielle bonbon, bonbon, bonbon. Manger miam miam. Scrunch, scrunch. Marché kayak, flip flap, flop, flash, splash. Mitraillette ratatata. Moquerie nia nia nia. Moteur pro-op, puff puff. Montre tic tac. Moto roule. Monde mur. Objet volant RRR. Oiseau cuit-cuit, flap-flap, cuit-cuit. Orage scratch, bravo, crack. Oreiller gros. Patap-tap-tap, bruit de pain. Pendutique, tap-tip-tac. Peur ou il. Flip-flop-flop, flip-flip, flip-flip, flip-flap, flip-flop. Pleurer-le, sniff-sniff, ou win. Plongeon splash. Porte claque, clap, clac, blanc, blâme, claquement, toc toc toc, toqué, bon, enfoncement, CC café 2, grincement, poule coco, coco codeur. Rebond point. Réflexion œil. Reniflement sniff. Ressort point, point. Revolver, silencieux, tombé. Rire état. Voilà, gnac gnac gnac, rire démoniaque. Ronflement 7777 sous-bruit 6ZZZZ. Zio. Se noyer blue, blue. Se noyer blue, blue. Sentir sniff sniff. Serpent SS SS. Sifflet trille trille. Silence, ferme silence. Chute, chute, chute. Sirène des pompiers pimpon, pimpon. Sonnette dite d'homme, drelin, drelin. Soufflez ouf, hectare. Soulagement, fiou. Souris d'ordinateur, clic. Surprise, wawam. Wawam. Téléphone dring, dring, dring, DRRR. Tout cof cof. Tremblement de terre, DRRR. Brum. Vache me. Vendu, wawam, wawam, wawam. Vertling, crash, vert qui se casse, déligne. Volet lave, lave. Vomir, peur. Zappé, zappé. Zappé, zappé. Zappé, zappé. Vous écoutez Radio Parasite.